bergers sortent de leur nid. À la Noël, à la minuit, les bergers sortent de leur lit. Au parc, ils s'en vont vite, regardez leur troupeau. Bergers, que Dieu vous garde, leur vie d'ange du ciel. L'ange du ciel a poursuivi pour héberger non loin d'ici. L'ange du ciel a poursuivi. Lorsqu'ils y furent arrivés, ils se sont tous agenouillés. Ils virent une lumière s'épandre sur.